la variété française, c'était pas trop mon truc. Hein. Ah oui, c'était quoi, vous? Black metal. Oh, bah déjà, c'est tout un programme. Et bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori, c'est l'émission numéro 69 ce soir. Du coup, on va écouter que Charge 69 et Cham 69. Peut-être. Yes, keep the kids. I united. Ouais, bonsoir tout le monde. Moi, j'arrive à l'heure, c'est formidable, même de bonne heure. Magnifique, on tout est le monde en avance. Est en avance. C'est une excellente émission qui commence. Voilà, on va vous souhaiter de le meilleur. Bonne résolution pour 2022. Exactement, ouais, plein de rock, plein de musique cool. Et la bonne résolution, c'est Pulcheddar. Une bonne année et surtout. Et surtout, le Larsen. Ah oui, c'est toi qui l'as dit en plus. Mais oui, ça vient de toi. Là, c'est hors contexte. Tu veux vraiment que je te mette des panneaux en fait pour te dire les blagues qu'il faut que tu dises ou comment ça se passe? On est en plein dans le contexte, on est en plein dans le Larsen là quand même. Bah on est pas mal. Nous sommes le 6 janvier. Tout à fait. Anniversaire. Hein? Pas de 20h. 2022. Voilà. Salut Lia. Salut les garçons. Tac, j'appuie. Ah bah excusez-moi, je suis pas préparée. Non, en fait. Vous me faites que rarement participer. Oh, pas assez alors. À chaque émission au moins une fois. Ah oui, pour l'agenda concert. En fait, on va arrêter et on va laisser faire tout ça. Le problème, c'est que l'agenda concert de ce mois-ci, il risque d'être un peu flop quoi. Bah, on pourra parler des concerts annulés par exemple. Bah, par exemple, on peut parler des concerts annulés. Lointain. Où vous n'irez pas quoi. En juin. Vous aviez prévu ça ce week-end, et bah vous resterez chez vous. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Moi, j'avais pas prévu de rester chez moi samedi, par exemple. Par exemple. Par exemple. Alors, on va commencer tout de suite le petit programme musical de notre émission avec Toxic Waste, le groupe lillois. Je suis pas sûr qu'on en ait passé récemment. Non, la dernière fois. Je te regarde toi parce que je sais que ça viendrait de ce côté-là. Mais la dernière fois, t'as passé Toxic Waste, mais c'était l'autre groupe. C'était le groupe de Belfast, tout à fait. Non, les Irlandais. Ouais, bon, attention, ça, c'est la guerre. Ils sont un peu chauds, les Irlandais, faut faire gaffe. Hein. Ouais, mais Irlande-Américain, il n'y a pas trop de. Ça va. Ouais, ça va. Ils s'entendent bien, je pense. Ouais, dans Sons of Anarchy, c'est dur. Hein. Ah, excusez-moi. Mais peut-être que la réalité n'est pas comme Sons of Anarchy tout le temps. Peut-être. C'est dommage. C'est moins bien narré. Donc, Toxic Waste vient de sortir un nouvel album, le 6e, ça fait 25 ans, 30 ans, je crois, qu'ils existent, donc c'est pas mal, 6 albums, sûrement pas mal de EP derrière. Il s'appelle Animal Bestial, il est sorti en CD, LP, sur plein de labels cool, notamment on va faire un tour de 2-3 labels, Trauma Social, Canal Hystérique, Dirty Punk, General Strike. Un classique quoi. Ouais, je pense que c'est les classiques de d'habitude, mais bon, ça soutient, c'est toujours là, ça c'est plutôt cool. Voilà, toujours punk rock tendu, avec des bonnes paroles, un chant... juste, parfois faux, mais qui est tout à fait Toxic Waste, en fait, dans la façon de faire. Non, mais c'est, la voix est bonne, mais de temps en temps, tu sens que ça, voilà, mais c'est ce qu'on aime, en fait, dans. Toujours sur le fil. Ouais, c'est ce que j'aime, en tout cas. Alors, on va s'écouter le titre Sombre Héros. J'ai bien aimé, j'ai réécouté plein pot dans la voiture, là. Je sais pas quel titre mettre sur les 15, ils sont tous quasi bien, quasi tous bien, donc, voilà. Fallait choisir, c'est comme ça. Le 5, alors. C'est parti. Ah, c'était le 3. C'est pas parti. Et c'est reparti. Sombre Larsen, Sombre Larsen. Faut pas que tu tombes dans tes travers. voilà, c'était court, ça. Ça va finir mal, effectivement. Mais bon, on va se souhaiter que ça finisse pas mal tout de suite. Donc, on vient de s'écouter à l'instant Toxic Waste, un groupe de Lille qui vient de sortir un tout nouvel album. Tout récent. Ouais, bah, toujours les cœurs cool de Toxic Waste. Bah ouais, non, mais carrément, toujours bien posé, toujours un petit peu hardcore, parce qu'ils aiment bien le hardcore. Voilà, c'est toujours. C'est vrai, on en parlait la dernière fois avec Blockheads, en se disant qu'il y a toujours une continuité quand même dans ce groupe. Et bah là, c'est pareil. Dans Toxic Waste, tu écoutes le morceau, tu sais pas c'est qui, tu sais que c'est Toxic Waste. Ah, mais carrément, quand même, parce que les guitares encore, voilà, mais ils ont quand même leur son, ils ont leur chant quand même qui est toujours le même, quoi. C'est toujours le même chanteur, hein, déjà, ouais, rien et que ça. Et surtout les chœurs. Les chœurs sont très typiques en fait dans Toxic Waste. Et, voilà. Ils ont très quelque identifiable. Chose. En tout cas, celle de Lille, elle est cool. Oui. C'est vrai. Alors. Alors, on va au Japon. On va au Japon, exactement. On va écouter Coffins, death metal, doom death, ultra lent, ultra lourd. Ultra gras. Ouais, c'est ça. Venu plus gras que mon cake. Venu du Japon, donc on va écouter. Mais peut-être moins gras que ta petite salade LT. Oh, je sais pas, on va voir, on va comparer. Tu vas faire la comparaison du morceau avec ta salade. Parti. On va écouter Altars in Gore, issu de l'album Buried Death, qui était sorti en 2008. Et, 2000 combien 2008. Ah. C'est le côté belge du groupe. Et ensuite, on va changer complètement de genre et de pays, retour en France avec Virus, le rappeur, qui avait sorti une paire d'excellents albums avec des textes très travaillés, très rentrés dedans. On va écouter le morceau Capharnaüm, c'était sur l'album Faire Part et ça datait de 2013. Voilà. Quand ça va, j'ai rien à dire. Quand ça va pas, je dis rien. J'ai pas de problème, j'en suis un. En prendre conscience m'a presque rendu serein. Le matin je bande plus, j'en veux à la lune pour ce qu'elle devient. Avale un mauvais café soluble, me dit que ça va, que d'autres y diluent un peu de calva. Du soldat, je n'ai que les cauchemars et les flashbacks. J'ai plus qui porte l'autre entre moi et mon falza. Une balafre enrichie d'un teint blafard. Le soleil serait donc aussi un putain de fachelard. Réflexe dans le brouillard, foutre les pleins phares. J'ai cru que mes oreilles sifflaient, ce n'était que la bouilloire. Advienne que pourrave, advienne que pourrave. Presque fier du temps que je peux tenir sans bouillard. Un portrait craché, une éjacte faciale. Je ne peux signer qu'à l'encre effaçable. Rafale, salive et façade. Espérant ne pas craquer comme l'ex-producteur des Farside. Réchauffe les restes d'avant-hier. Remets en cause toute amitié quand j'ouvre un frigidaire où y'a que des sauces. Des phasages, plus qu'un sentiment, un état. Heureux celui pour qui ce n'est qu'une passade. Pour qui le drame n'aura pas été fatal. J'abaisse le moindre siège qui me réhausse. Le ciel est gangsta, annonce dépression, rafale, perte, fracas. Capharnaüm qui fout le cafard, et raflé par une étoile. Qui a fait un vœu et qui voulait que je l'exauce. Si je te dis que ça va pas, qu'est-ce tu feras à part me tendre un fer qui donne soif et me laisser en carafe. Gardez vos récits pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Les vrais liens tiennent avec des fils ou des agrafes. Je dis rien, j'attends que ça passe, que ça s'aggrave. Toujours pas été faire ce dépistage pour le tas. Aucune crainte, malgré des boutons chelous, des petites taches. Là tout, d'un mauvais joueur de poker qu'à une quinte. Ce destin m'esquinte. Chiale surtout pas à côté de moi, à moins d'avoir pris un coup d'exemple. Je t'éteins, les idées noires, ça va avec tout. J'attends rien, mais ça n'ira jamais assez vite à mon goût. Une seconde à l'autre, faire tout sauter. Me tape pas dans le dos, je viens d'avaler mon trousseau de clés. Trouble de la personnalité, pour pas rater ma vie, j'ai préféré ne même pas la tenter. Tout. Compétences inexploitées, en chienne dégage, mais en avant que mes années d'anxiété. Vous comprendrez le refus de ce castagner. C'est pas ce qui se passe dans la rue qui m'a rendu casanier. Classique. Ouh, ça coupe. Hey, c'est fini. Bah, oui. C'est... Heureusement que ça n'a pas coupé au milieu de cette discussion juste avant. En fait. Dans le hip-hop. Hey, tu vois, ça change. Ouais. Donc c'était Virus avec le titre Capharnaüm. Ouais, très bon titre. Ouais, c'est cool, hein, Virus. C'est vraiment... Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et juste avant, c'était Les Empereurs du Gras, Coffins. Voilà. C'est bien. Hein. Très bien. C'était super. Du coup, comment on va s'écouter. Qu'est-ce que c'est toi oui. Ah, il est pas. T'es avec nous, Mitch. T'es avec nous. T'es à la radio. Oui, il est bien. Réveille. C'est ça. J'ai fait mon petit carnet. Number one. Tout va bien. C'est ça, oui. Le leader, hein. Oui. Il s'endort, hein. Oui. Moi, je suis là pour animer. Moi, je suis pas là pour faire du contenu. Ça n'a aucun sens. Non, c'est pas vraiment. Donc, on va s'écouter des groupes qu'on m'a conseillés. Voilà. Oh. On va écouter Peace & Jeans que donc Alex de ORB nous a, enfin, m'a conseillé en tout cas quand on a joué avec eux à Bar-le-Duc là, il y a quelques semaines. En me disant, ouais, tu devrais écouter, c'est vachement bien, espèce de punk rock, mais vachement gras, un peu, ouais, tu verras la pochette, en plus, ils ont eu des sales gueules dessus et tout, c'est trop bien. Eh bien, c'était exactement les arguments qu'il fallait pour me convaincre. Et effectivement, c'est cool. Et voilà, donc ça vient de je sais pas où, et c'est pas mal. Si vous voulez d'autres détails, vous appelez Alex de Old Rotten Bastard, et puis au 06 33 47 51 28. Et juste après, on va s'écouter Nopes, qui est un groupe qui est dans le top de l'année de Pico. Ah, ça y est, nous y revoilà au fameux top. Moi, j'ai rien mis. Top of the top, quoi. Enfin, j'ai regardé, il y a pas mal de trucs où je fais, bon, je ne sais pas trop. Mais ce groupe-là, c'est franchement cool. Voilà, ça tartine un peu et tout, donc ça va vous faire plaisir. On s'écoute ça tout de suite. Save! Alors, à l'instant, on vient de s'écouter Nopes. Et juste avant, c'était la pochette dégueulasse conseillée c'était par Alex. Peace voilà. Jeans. Peace Jeans. Ouais. C'était cool, hein, quand même. Pisser dans ces jeans, en fait. Ça dépend comment tu les mets. Si t'es au travail, par exemple, c'est vrai que c'est pas terrible. Si t'es à la piscine, ça passe. Si vous voulez d'autres conseils de vie, appelez-moi. En attendant, c'était deux bons morceaux de punk, un petit peu gras cool. Comme ça. Ouais, très bien. Ça change un petit peu. Plus gras que le cake. Je sais pas. Je sais pas quand si on peut pas. Toujours remettre tout sur le cake, mais je vais en mettre dans ma bouche. Tu vas il voir, laisse ça des manger. Traces là sur le papier quand même. Tu vois. Là, je vais mettre un petit peu de métal. On va commencer par Napalm Death, qui vient de sortir aussi un nouvel album. C'est le 16e. Ouais. Ah, bah, tu sais, j'ai des petites infos. Hein. Ouais, bah, ouais, c'est bien. T'as bien travaillé sur le petit groupe comme ça. C'est Moonepedia, tu connais. qui s'appelle Throes of Joy in the Jaws of Defection. Si je dis pas de conneries. La pochette est pas mal. C'est sorti quand ça cette année, là, sur Century. C'est Media. Le machin qui est un peu Indus, là, c'est ça. Oui, ouais. Il y a un morceau. C'est pas l'album d'avant où il y a un morceau Indus. T'es sûr que c'est celui-là? Okay. Bah, je l'ai écouté l'album complet, il est bien. Hein. Après, ok. Non, mais très bien. Il est bien ce morceau-là. Après, là, j'ai entendu tout et son contraire sur cet album. Bah, ouais, mais moi je trouve pas ça très intéressant musicalement. Ouais, voilà. En tout cas, ils essayent des trucs. Bah ouais, et c'est vraiment cool parce c'est vachement du mid-tempo, c'est beaucoup moins grind, tout ça. Mais après, ils ont des sonorités à guitare qui changent. C'est clair qu'ils ont évolué musicalement. Bon, après, en même temps, ça fait un moment qu'ils ont évolué. Bah ouais, carrément. Enfin, tu sais, les deux premiers albums, c'est plus. Rien à voir avec ce qu'il fait. Ouais, non, mais moi ça me déplaît pas quoi. Okay. On va se mettre le titre Contagion. D'ailleurs, en parlant de Napalm, logiquement, il devait avoir une tournée Napalm Death Doom. Ah, avec un petit passage en février, avec un petit passage un petit peu plus loin à la Rodia Besançon. Ok, c'est déjà mercredi ou un jeudi soir. Il y a une tournée genre d'un mois, un mois et demi avec Moscou Death Brigade. Moscou Death Brigade qui doit passer à la Souris Verte d'ailleurs cette année. Ouais, si... c'était prévu l'année dernière et c'est annulé donc là, si c'est pas... tout se passe bien. Ouais. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça mais... se passe pas bien. Spoiler alerte. Et juste après, on va se mettre War Collapse, le groupe de crust suédois qui existe aussi depuis de nombreuses années. J'ai déjà passé un titre il y a quelques temps, mais là, c'est un nouveau Seven, et le titre Born to Die. We'll be right back. Voilà, intro basique à la basse, ça termine classiquement. Ouais, on n'est pas surpris. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas de surprise. Hein. Voilà. War Collapse, ils sont toujours là, un petit Seven qui passe bien. Et juste avant, Napalm Death, donc on est quand même dans de la nouveauté. C'était bien cool le Napalm Death. Du coup, tu vois, ça m'a vraiment donné envie d'écouter. Ah ouais, non, honnêtement, l'album, moi, je l'aime bien. Hein. Faut que je l'écoute en entier. Ah ouais. Non, moi, il m'a plu, les clips sont cool. J'ai pas écouté les mauvaises langues. Non, les clips sont beaux, sont cool, donc j'aime bien. Très bien. On enchaîne avec un petit bloc autour de Derek Vella. Alors Derek Vella, c'est le guitariste de Tom Mold. Voilà. Et il joue pas que dans Tom Mold, ai-je découvert. Il a sorti cette année un nouveau projet qui s'appelle Dream Unending avec Justin Detor, un autre gars qui fait du death metal aux US. Et donc à eux deux, ils ont sorti cet album là qui est plutôt un projet un peu doom, genre funeral doom, un peu death avec quand même du growl derrière, mais des morceaux bien planants quand même. Et ça passe plutôt très bien. Donc on va écouter The Needful. Fumer la weed, c'est parfait. Ouais, tu vois. Reggae. Donc on va écouter The Needful pour se faire cette idée-là. Et après, on va enchaîner avec Purity Control, dans lequel il jouait avant de jouer Tom Mold. Et donc, changement d'ambiance, Purity Control, c'est du power violence, bien rapide, bien bourrin. En 2 minutes, on a le temps d'écouter 3 morceaux, Dear Life, Insect Politics et Swallowing. Tout ça, ce sera après Dream Unending. Et voilà, c'était Purity Control, donc le groupe avant Tom Mold, et Dream Unending avant, le groupe après Tom Mold. Ouais, qui était très bien. Ça, hein. Ah, le tout premier était vraiment bien. Excellent en tout cas. Ouais, j'aime bien les deux. Mais le Dream Unending, là, belle surprise. Donc un peu ambiance. Ambiance, comment s'appelait ce groupe de Doom un peu Death. Ah, j'ai plus de mémoire, mais. Voilà, les fans de Doom Death. Chacun ses problèmes à 35 ans. Et quand on a les deux, comment on fait reconnu. Voilà, donc je laisse la parole à Mitch ou à Mounet. C'est moi, c'est oui, moi. Mais oui, au numéro 1. J'ai rien c'est dit, mais numéro 1. Non, je sais pas. L'IA fait une tête comme si elle était déçue que ça soit à moi de passer des morceaux. Mais je suis ton seul allié dans la pièce. Tu ne m'as pas annoncé. T'as pas annoncé. Ah bah voilà, non mais bravo. T'inquiète, ça. Je manque de préparation. Mais j'étais occupé à parler culture générale. J'ai cru que t'allais dire à parler cul. Extrêmement rare. Il y avait pas la suite. T'avais un bloc de plus de 7 minutes, t'avais tout le temps d'annoncer tes morceaux. Bah ouais, pour une fois. Tu vois, ça m'a surpris. Donc on va s'écouter Eldovar, avec un E comme Eldovar. Si tu fais un effort, tu vas le trouver. Qui est donc un super groupe monde. Peut-être on n'écoutera pas, on ne sait pas encore. Mais si, on trouvera sur l'internet. Plasto, on parle pour toi, si tu veux. Pas encore de regard de connivence. Il n'y a vraiment pas. Bon, on va écouter. Ça commence pareil. Ça s'appelle Emma Ruth Rundle. Oui, ça oui. Voilà, qui est une chanteuse qui a fait pas mal de disques, qui a fait une collaboration avec tout, comme on dit dans les gens qui prononcent vraiment. C'est pas un truc que j'écouterais peut-être tous les jours, mais quand même, ça te met dans une certaine ambiance. Ça change pas mal de ce qu'on écoute d'habitude, même du côté doom et tout ça. Ça prend autrement, et j'aime beaucoup. On va s'écouter ça tout de suite. Yeah. as pieces and parts they dissolve. You plead as a failure, you wait for a savior, but leave knowing nothing's resolved. From out beyond up to your vision, by love that you've never known, you've only this prison. Straight to the hangman's news. Are we born this way? Alors c'était Emma Ruth Rundel. C'est pas du Slipknot. Ouais, comme dirait un grand philosophe. Alors, mais ça se tient. C'est ni sombre. Oui, non, mais c'est vraiment pas du Slipknot. Il hein. y a pas d'égorgement. Ouais, c'est pas du Doom non plus. Non, c'est plutôt sur le côté ambiance, atmosphère, moi, que ça me. C'est des choses que je recherche en Doom. Et là, du coup, voilà, j'ai trouvé ici. Un peu différent. C'est rendu. Et regarde, la petite rouquine, elle est contente en plus. La petite routine. Si contente que ça. Ça va pas le faire entre. Allez, discordé, mais le numéro 1, on va le virer. Ouais, c'est ça, le mal alpha là. Ouais, grave. Putain. Ah, écoute, tu repasses un peu les réflexions de mal alpha quand même. Tu repasseras pour l'humus. Lex mal alpha. Effectivement, oui, il est sur la fin. Bon, non, en tout cas, le morceau était très bon. Secret quand même. Le morceau était très bon. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien. Ah, mais non, mais c'est vraiment très cool ce qu'elle fait. Ouais, si, moi, ça me plaît quand même. J'étais déjà pas ultra fan de l'album avec Zoo, alors que j'adore Zoo, mais c'est vraiment pas mon délire. C'est voilà. Très particulier. Après, t'aurais pu mettre Flosh Mode avec. Bah, c'est un peu ça aussi, lui. C'est un peu du folk. Oui, oui, tout à fait. Alors, je sais pas si c'est sombre ni. Je sais pas si c'est Darkness. Non, il y a des bons trucs de folk sombre, mais là, ça me touche pas. Bon, après, on peut pas se jeter au plein cœur en permanence. Oui, c'est ça. Ok. Donc je sais pas si je vais vous toucher en plein cœur sur mes deux morceaux. Mais disons, je me dis qu'en fait, ça va faire un bon petit... bon quoi ? Vas-y, enchaîne. C'est moi le mal alpha, là, vraiment. Non, mais je me disais que ça ferait un bon écart, quand même, entre ce que j'ai mis et ce que tu vas sûrement mettre. Ouais, bah, pas pire que le grand écart Doom, Death et Hip-Hop. Hein. Oui, c'est vrai. Mais quand même. Je suis le pro des grands écarts. Tu peux pas tester. Ah, t'es sportif, toi. Et attends de voir ce qui se passe après. Vas-y. On y va. En parlant de sportif, on va se mettre Eratum, qui vient de la célèbre ville de Saint-Étienne, en centre-France. Je sais pas, ils en sont où Saint-Étienne dans le football en ce moment, mais je crois que c'est un peu les Hermies, quoi. Donc on leur fait des gros bisous parce qu'ils sont tous un peu fans de foot là-haut. Il y a rien à dire. Ah, ça, d'accord. Ah oui, non, pour de vrai. Entre ceux qui sont fans de foot et ceux qui sont fans de vélo, franchement, Saint-Étienne, c'est la ville du sport et du charbon, quoi. C'est vraiment la ville du sport? Non, je sais pas. C'est pas la vraie, ça. Le club est connu, tu vois. Même moi, je connais le club de Saint-Étienne. Tu connais leurs couleurs. Et en plus, on est à Saint-Étienne là. Non, c'est bien. On préfère une dédicace Saint-Étienne. Oui, Saint-Étienne. Parce que qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. C'est pas ça le slogan. Et on a les meilleurs supporters. Allez. Voilà. Moi j'aime bien. Meilleure intro de l'histoire de la radio. Est-ce que tu pourrais faire avec moins de conditions? S'est fait éliminer de la Coupe de France. Un scandale à la dernière minute de jeu. Ah vraiment, ah, j'ai pleuré. Mais contre Reims, moi j'ai un peu Reims dans mon cœur, donc... Voilà. Ne changez pas de station, oui. Vous êtes toujours sur Memento Mori, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas bifurqué vers une sombre chronique sportive. Bah ouais, mais alors parfois on est dans la culture et parfois on est dans le sport. Bien sûr, Memento Mori est une émission sportive. Voilà, c'est bien connu. Alors on va se mettre deux morceaux sportifs de Crust qui font, je pense, pas trop de sport et qu'une petite bedaine quand même. Il y a des chances. On va se mettre Erratum qui vient de sortir un album cette année qui n'a pas de titre, on va dire ST. Comme on les appelle, les fameux. avec le titre « Demain sera la même journée », une chanson contre les violences, les féminicides, les violences domestiques. Et juste après, on va se mettre Diesel Breeze, qui est un groupe d'Amsterdam. Pays-Bas, c'est comme ça qu'on dit, c'est Amsterdam, c'est pas Amsterdam. C'est du punk, metal, crust, qui vient de sortir aussi un album il y a peu qui s'appelle DIY Mart Fry, avec le titre Tribe Vibe Pride. partout, par de là. Grave. Oula, on est fort là. On est toujours sur Memento Mori, le 107 FM. Il est 21h. Oh, ça c'est l'agenda, pas de concert. L'agenda, pas de concert. Eh ben, écoutez, bah, on regarde le mal alpha. Hein. Il y a des réflexes. Ah, ça ne va pas du tout ça. Je vous demande solennellement qu'on arrête cette blague dès maintenant. Je suis très mal à l'aise avec ça. Bon, du coup, on écoute du post-rock à la place. Oui, bah de toute façon, ouais, c'est pas dur, tout est annulé. Bisous. Voilà. Voilà. Mais pour les plus locaux, il devait avoir quelque chose de cool samedi au Rupstick, qui est bien entendu annulé. Mmh. Mais c'est dommage. Ouais. Et ça aurait été un bon concert. Oui. Après, je sais pas, il y a quoi d'autre dans le coin d'annuler. La Souris Verte, ils ont tout annulé ou pas là? Oui, ça a annulé. Hein. Parce que je l'ai pas vu sur internet, j'ai maté. Non, je crois pas. Si, si, ils ont annulé la soirée du Kicking Fest. Okay. Enfin, les soirées parce que cette du Kicking semaine, Fest. Début de semaine, c'était pas fait encore. J'étais un peu surpris. Bah là, ça y est. Voilà, c'est chiant. Je suis déçu de pas avoir Burning Heads en plus. Bah ouais, moi aussi, je voulais y aller. Pour faire du reggae raga. Mais je comprends pas pourquoi c'est annulé. Plaît-il? Parce qu'il y a interdiction de concert debout. Et du coup, ils veulent pas faire le concert assis. Bah non, concert assis de punk, c'est chiant quoi. Bah, qui assis avec le masque comme au cinéma pour un concert, c'est naze quoi. C'est pas pareil. Ah, ouais. Bah, hormis le groupe de tout à l'heure là, tout là, ça c'est non, mais ça c'est genre de... dans un théâtre, dans un amphithéâtre, ça va très bien. Parce que ça serait franchement pas des paroles de mal alpha, tu vois, ou de toute l'espèce de masculinité toxique là. Rien à voir. Je parle juste de musique. Tu la vois ta virilité qui pourrit le monde actuel. Parce que la virilité féminine. Dans le punk, ça pose pas de problème. Parce que Mars Red Sky assis, c'est trop bien. C'était très bien. Tu vois. Bon bah voilà. Donc t'as là. Alors attention à ce que tu dis. De toute façon, Mars Red Sky, ça bouge tellement pas sur scène que tu bouges pas non plus dans le public. Ouais. Alors vous étiez allé les voir assis, vous. Oui. Oui. Hein, c'était même mieux assis que debout. Ah bon, moi t'es assis, t'es tranquille. C'est ça. Train, quoi. Voilà. Alors que Horse Nation assis, je suis pas sûr que. Ouais, tu fais slammer les chaises, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, ça devient dangereux. Forcément, ça dérape. Ouais. Ouais, bah bon voilà, c'est le moche que toutes les assos se relançaient un petit peu dans l'on en rigole, mais ouais, bah, ça commençait. Bah, ça tout le monde revenait, quoi. Ouais, il y avait largement un concert par mois, quoi. Enfin, un concert par semaine, pardon, intéressant dans le secteur. Et puis voilà, sur tous les groupes, nuls, tu prévois, tu machin, tu fais des affiches, et puis il n'y a rien, quoi. Donc ça, c'est un peu. C'est triste. Fatigant, quoi. Non, mais pour les orgas, c'est crevant, tu vois, de faire des trucs. Et puis, ouais, oui, c'est ça. Tout, quoi. Puis, coup, après, c'était... t'es moins fatigué le week-end en tant que tel. Oui, mais. Parce que t'es à la maison. Non, mais. C'est démotivant, en fait. Ouais, c'est tu ça. Tu t'engages dans un truc. Ah ouais, ouais, faut se relancer après. Ouais, tu vois. C'est ça. Ouais, clairement. Pour lancer les trucs, quoi. Après, quand c'est ton taf dans les smacks, c'est pas pareil, tu vois. T'as pas le choix, quoi. C'est ouais, rien. Même, c'est quand même démotivant. Oui, non, mais dans tous les cas. Mais bon, voilà. Le cadre de travail n'est quand même pas le même. Après, on peut débattre quand même sur le besoin et l'attention en lien avec la musique. Ne changez pas de station. Vous n'êtes pas parti sur une chronique sanitaire ou politique. C'est qui après? C'est moi. Ouais, mais du coup, il n'y a pas eu d'agenda. Avant qu'on l'interrompe, en fait, il était en train d'annoncer des morceaux. Ah ouais? Non, pas. Enfin. Bon, t'étais pas vraiment. Je teasais, tu vois, c'était un ouais, c'était pas encore totalement prêt. Allez, je te laisse la place, pardon. Oui, donc on va écouter du post-rock, comme je disais, avec le groupe Delphine Coma. C'est un duo post-punk des Texans. Et ils font des trucs plutôt cool pour moi. Un peu de post-punk comme ça, tu vois, ça fait du bien. Notamment avant un petit groupe de Gore Grind. On va écouter. Bref, First Days of Humanity, tu vois, comme Last Days, mais First. D'accord. Ça, c'est un truc, je suis assez content d'avoir découvert ce petit truc. C'est un projet solo Gore Grind d'un mec qui a trois autres projets solo de Gore Grind. Tu vois, c'est genre Buffet Froid, mais version Austin, je sais plus où ils sont. Bref, enfin, où il est, du coup, il est tout seul. Je reviens, je vais, je sais pas, quelque chose. Bah, mais c'est une pizza. Franchement, ou speed galette. Ça dure. Je reviens. Ça dure 56 secondes. Alors peut-être pour toi, tu auras l'impression que c'est allez 5 minutes, mais c'était pas l'amour. Donc ça, ce sera après Delphine Coma qu'on écoute tout de suite. We'll be right back. C'était les 56 la secondes les plus longues nous de la vie de Lia et moi. Oh, oui. Magnifique. Ah non, de Dieu. Voilà, donc vous êtes sur Memento Mori, cette fois, plus aucun doute. C'était First Days of Humanity. Non mais ça, tout le monde a compris là. Il y a pas. Oui. T'es bon, hein. Ah, ils sont revenus les jeunes là, non. Voilà. Et donc avant c'était Delphine Coma plutôt effectivement. Mais attends, je vais me le noter parce que moi j'ai post-punk, bien aimé. Post-punk, tendance gothic wave. Delphine Thomas. Coma. Coma comme. P A P H. L'album il s'appelle. Oui. C'est bon choix. L'album il s'appelle Tortuosa et il est sorti en 2020. Voilà. On donne des infos. D'accord. Et on sait pourquoi Delphine Coma, il y a un truc. Non, je sais pas du tout. D'accord, très bien. Voilà. Hein. C'est vachement intéressant. Non, et je suis tombé. Et c'est vrai que je suis tombé dessus sur ce groupe en cherchant Bragoline que tu avais passé il y a quelques émissions de ça. Et j'ai trouvé un autre groupe qui avait fait une espèce de morceau avec les mecs de Bragoline et un autre morceau avec les gars de Delphine Coma. Il y a, tu vois, de groupe en groupe. Je suis tombé là-dessus. Donc tout ça est de ta faute. Voilà. Non, mais j'apprécie. Après, en fait, que ça soit de ma faute, Delphine Coma, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je veux bien qu'on soit, tout le monde soit bien au courant. La First Days of Humanity, c'est également. Ah non. Pour toi. Parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Putain, oui, bah oui, mais c'est... Attends, ça m'a retombé dessus, quoi. Bon, vous arrêtez, là. Les frères relous, là, vous. C'est en fait notre vieux couple. Grave. C'est ça. Allez, on y va, là. Ça parle pas de sport, ni de culture, allez-y. Je te laisse passer ton morceau de 9 minutes, là. Voilà. On va s'écouter 4. C'est Cadavar et Eldor en même temps qui donnent Eldovar. Voilà, ok, je comprends. Merci pour cette réaction. Le retour de Eldor. Voilà. Exactement, en fait, ouais, parce qu'il y a des membres. Ben Eldor, c'est un groupe allemand, et Cadavar, apparemment, il y a un mec qui habite en Allemagne aussi. Ils sont allemands, Cadavar. Ouais, qui sont dans. Si ça se trouve, ils sont tous allemands, en fait. Mais bon, en gros, ils sont tous dans la même ville, tu vois, voilà. Et ils se sont retrouvés à dire oh, bah, tiens, vas-y, on fait un truc ensemble, enfin, un groupe. Et du coup, ils ont fait voilà, un espèce de truc. C'est un bon mix des deux. C'est psyché, psyché stoner. C'est vraiment pas mal. Il y a des moments, c'est peut-être un poil long. Là, le morceau, il fait 9 minutes 33. Donc, on a le temps de se mettre dedans. Hein. Mais après, finalement, est-ce que des morceaux de 56 secondes, et t'as l'impression que ça dure 10 minutes, c'est pire qu'un morceau de 9.33 où tu te dis 9 minutes, c'est cool. On verra. Thank you. On n'est pas prêt. Eh, c'était pas mal, hein. Ouais, c'était cool. C'est cool, hein, ça t'a plu, Lia ? C'était génial. Je note pour entrer ça en rotation dès aujourd'hui. Ah. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Bon, on ne sait jamais si elle se fout de notre gueule ou si elle veut vraiment le faire. C'est là, c'est l'habitude. Oh. Voilà, c'était Eldevar à l'instant. Voilà, mix super groupe entre Cadavar et Elder. Oui, oui, c'est. Je t'entends d'ici. Je sais pas d'ici, si on t'a entendu. Mais voilà, Mathieu. C'est pas grave, je suis derrière. Mathieu Claude nous disait que c'était de la musique. Il t'accuse, toi. Oui, moi, le mal alpha. Il nous disait que c'était de la musique hippie. Et bon. Bah, c'est un peu quand même des trucs psychés. Voilà, c'est pas Janis Joplin, mais, tout mais on y va. Quoi. Tu vois, mieux vaut hippie que nazi, finalement. Oui. Non, mais si, c'est, vois, c'est... Voilà. Mais bon. C'est des petits proverbes comme ça, tu vois. Oui, bah tu. Je te laisse sans voix. Tu voudrais pas passer autre chose, s'il te plaît, quelqu'un, au secours. Mathieu, c'est toi qui nous as dû passer des morceaux, ouais, c'est ça. Il est en galère là, il a un CD dans les mains. En fait, je suis prêt. Je sais j'attends pas si juste quelques instants pour choisir le morceau, mettre le disque dans le lecteur CD. Parce qu'on tu veux dire, t'as eu 9 minutes 33 et tu l'as pas fait. On va commencer du coup alors, par. Alors toi, t'as 7 minutes, t'as rien fait non plus. Alors, satisfaction, hein, j'en ai déjà passé lors de leur première démo. Merci. C'est bien avec le casque aussi. Comme ça, je vous entends. Parlez, 1, 2, 1, 2. Oui, tu nous entends. Nous, on t'entend à travers la vitre, quoi. Ouais, alors attends, moi, je prends juste mes petites notes parce que je suis pas forcément trop à main. Donc, satisfaction, elles viennent de sortir un nouvel album qui est sorti il y a peu sur Destructure Records notamment, avec le titre Stay Positive. L'album s'appelle Kill Em All. Pour les fans, pour les mal alpha, la Metallica, c'est parfait, je crois. Bah oui, bouh, ça pue. En plus, Satisfaction, c'est un groupe féministe, alors ça la fout mal, quoi. Tiens, faut être des conneries. Et juste après, on va se mettre Social Experiment, qui est un groupe du Pays de Galles, qui a sorti un album aussi il y a peu, qui s'appelle Everything is Connected to Everything Else. Je m'en suis bien sorti. Avec le titre I Don't Like Your Attitude, sorti notamment chez les copains d'Eviance. Elle, c'est comme le signal, c'est ma tête. We'll be right back. Pierre, c'était très cool. Pierre. Ouais, ouais, c'était le UK Punk de Social Experiment qui vient de sortir le petit disque qui s'appelle. Le titre c'était I Don't Like Your Attitude. Et c'est altitude ou attitude? Parce que j'ai mis altitude en fait, moi. Oh, je pense que c'est attitude. ça sonne vachement mieux avec altitude. C'est ça, altitude. Non, mais, j'ai noté ça, c'est classe. Genre le gars qui méprise ceux de la plaine. Ouais, il y a quelque chose ici. Quoi. Mais bien sûr. C'est le cas en plus, tu vois. Les Vosges représentent. C'est territoire coupé pire en deux. Pire. Mais ça descend de niveau en niveau. À chaque morceau, c'est de pire en pire. Leur passe. Et il reste 30 minutes. Et juste avant ça, c'était Satisfaction. Voilà, super groupe. Très bien, rock. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. Ça. Ma définition de punk. J'aime beaucoup. Riot Girl, quoi. Voilà. Ouais. Oui, il y a un côté quand même un peu plus radical quand même dans la façon d'amener le son de la basse et compagnie, mais bien posé. C'était super cool. Alors, on va faire un petit tour du côté de la scène brésilienne, notamment le grindcore avec Hauser, groupe que j'ai découvert récemment et qui joue un grind death bien exécuté. On va écouter le morceau Messiah, Messias, issu d'un album, ou même je crois que c'est un petit truc, un seul titre mis comme ça sur Bandcamp. Donc voilà, c'est sorti en 2019. Et pour aller bien avec, cette fois-ci, pas de transition violente, on va rester dans le grindcore brésilien avec Baixo Calao, groupe que j'ai pu voir à l'Obscène Extrême en 2012 et qui m'a émis une bonne claque. Et qui ont continué leur petit bout de chemin. Ils ont sorti un album en 2020, donc ça fait déjà plus que l'année dernière maintenant. Un album qui s'appelle Necrologio, et on va écouter le morceau Marcha Luxuriante de Baixo Calao juste après Hauser. Petit aperçu de la scène grindcore brésilienne. Pas de mal. Donc efficace, old school. Carrément. Mais ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait fait spécial Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Et ben, en fait, c'était Oh, c'était des groupes que j'ai pas pu passer pour le spécial Amérique du Sud, alors que je les aime beaucoup. Et donc je me suis dit, tiens, faut que je mette ça, faut que je mette ça là. Il fallait qu'on se refasse une petite thématique comme ça. Ah ouais, volontiers. Continentale. Une dérive continentale. Voilà, donc c'était Baisho Kalao et avant Hauser. Voilà. Paris, c'est à vous. Hey, bonsoir. Vous êtes. Ah, je suis un petit peu plus fort ici. Parce que je n'ai pas une voix suave que notre chère hôte. On a l'impression, côté de l'autre côté, qu'il se passe quelque chose, mais en fait, c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est très décevant. Un peu comme beaucoup de choses. Et donc, du coup, on va s'écouter Coven. On avait déjà écouté un morceau il y a quelques émissions. C'est du Scrimo du nord de la France. Et ils ont sorti un nouveau disque, là, du coup. Voilà, on va s'écouter un nouveau morceau avec un sample. Je sais pas, ça doit être issu d'une manifestation qui a eu il n'y a pas si longtemps. C'est très prenant. C'est un peu le discours qui prend aux tripes dans l'émotion du truc. Tu sens que les gens sont à bout, quoi. Voilà, c'est assez sympa. Et musicalement, évidemment, c'est sympa aussi. Oui, j'ai fini. Ah, et c'était Coven à l'instant. Ça vous a plu, les enfants? Ouais, moi j'aime bien le screamo, j'avoue. Voilà, on n'en passe pas souvent en plus. Ouais, on n'en passe pas souvent. Voilà, on va peut-être en mettre de temps en temps. De temps en temps, ouais. Temps, vous en mettez quand même. Mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis, donc c'est très bien que. Bah, moi, la dernière fois, c'était le même groupe. Ah oui, t'as ton groupe de screamo, non, c'est. Il n'y en a qu'un seul. Donc Coven, pour ceux qui voudraient aller chercher un peu plus loin. C'est sorti sur quelques labels français, notamment Seaside, Suicide Records, un classique. Mm-hmm. Une bonne boutique, disons. Okay. Alors pour changer des pleurnichards de Coven, je vais mettre autre chose. C'est un peu mal alpha, ça, non? Il essaie de se mettre au niveau, c'était une petite blague entre nous. C'est clair, quoi, il me remet la faute dessus, j'ai rien demandé, je suis juste une réflexion bête, tu vois. C'est exactement ça. Bête et méchante, tu vois. Donc, bah oui, tu cherches. Ouais, je cherchais. On va commencer par Subhumans, célèbre groupe anglais que je voulais passer dans la sélection War. Ah. Et du coup, je retarde. Mais oui, tu vois, moi je passe des trucs de cela. C'était voilà. Quand avait fait l'Amérique du Sud. Ça fait au moins 2-3 ans que je sortirai dans mes petits papiers. Donc Subhumans, ça fait toujours plaisir, avec le titre Religious War. Juste après, on va se mettre Flux of Pink Indian. Je sais pas si j'y ai déjà passé, c'est pareil, un vieux groupe d'anarcho-punk anglais. Avec le titre They Lie, We Die, sorti à l'époque en 82 sur le LP Strive to Survive Causing Least Suffering Possible. À la narcopunk, il faut des grands textes, des belles pochettes. Voilà, moi je suis ému. On y va. Just Yes, ça descend, ça descend, ça descend. On ne sait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. C'est bien la petite lumière, ça permet d'enchaîner. Donc à l'instant, c'était Flux of Pink Indian. Voilà, un classique anarcho-punk des années 80, comme j'aime. Et juste avant, Subhumans, qui est aussi très cool. Bah, son old school, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, mais, oui, mais c'est le old school anarcho-punk classique. Hein. Écoutez, les groupes anarcho-punk de maintenant, ils ont le même son. Hein, donc... Oui. Bon, après, ils peuvent peaufiner après. Oui, hein, ils peuvent. Pourquoi ne le font-ils pas, je sais pas. Les P4, c'était pas le même son. Hein. Oui. C'était pas anarcho-punk anglais, quand même. Et puis, c'était pas vraiment de la musique non plus. Alors, finalement. C'est une musique sans sens. Ah, non sens. C'est comme Camille sans sens. Et c'est une blague culturelle, mesdames et messieurs. Ah, oui. Memento Mori, émission culturelle. Voilà. Toujours sur la brèche. Du coup, on va s'écouter King Woman pour vaguement terminer cette émission. C'est un groupe de San Francisco. C'était un peu doom metal. Là, c'est pas mal. C'est un peu gothique aussi, mais il y a folk aussi un petit peu. Bah, un peu moins. Je sais pas que c'est sombre. Mais c'est assez sombre, oui. Bon, par rapport à Slipknot. Il n'y a pas de masque, quoi. Bon. Ça peut te donner un indice, peut-être. Okay. Ah, ça va, je vois où on va. Voilà, on s'écoute ça, Lia. J'ai rien de plus à dire. Vraiment. Fallait meubler. Et voilà. Et à l'instant, c'était King Woman. C'était un peu plus Doom. C'était, ouais, c'était gothique, plus Doom. Ambiance. Ouais, Doom planant comme ça. Ouais, voilà. Ouais, c'était bien. Ah. Mais il n'y a pas eu beaucoup de grind ce soir. Beaucoup de planant, tu vois. On sent que c'est une reprise tout en douceur. Hey, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, oui, bah, tu sais toujours faire des efforts, toi, aujourd'hui, absolument pas. Je connais ta part de participation à l'effort de guerre. Hein, voilà, il y en aura plus la prochaine fois, il me semble. Ah, la prochaine fois, surtout si on a notre invité surprise, je sais pas si on doit dire ou pas dire, mais dans tous les cas. Non, mais j'ai entendu la playlist déjà, parce qu'elle est prête. Oh non, alors t'exagères un peu. Ça va être dansant, ça va être très bien. Ouais, il n'y a pas que des trucs hardcore non plus. Ouais, mais. Bah, c'est le principe, après on sait qui on invite. Hein. C'est, ouais, ça. C'est peut-être hardcore pour toi. Mais... Oui, bah oui, forcément, c'est ton niveau à toi, forcément que c'est dur. Putain. Ça, bah oui, mais du coup, je te dis, ah, mais non, ça c'est sympa, ça passe. Oui, ça sera bien, ça sera bien. Donc la prochaine émission, on a décidé c'est que ce sera, on a voté. Là, j'ai à voter. Trois. Les camarades ont voté. À voter. Grève voilà. Reconductible jusqu'au 3 février. Oh! Un mois de grève. Même heure. Un mois pas de salaire. Bah, on fera des concerts. Ah merde, on peut pas faire de concerts de soutien. Solidarité. Pour nous payer nos, la CGT a une caisse bien remplie pour remplir. On fera une émission de radio de soutien. Ouais, cool. Envoyez les dons. On va gagner 8 euros. Donc. T'es optimiste. C'est vrai. T'as encore quelque chose, Mathieu? Non, c'est bien. Moi, je suis calé. Ah d'accord. Eh ben, on se termine tranquillement. Sinon, on met un morceau de Turnstile pour la fin. Je sais pas. Non, c'est bien. On arrête. Il reste 5 minutes. C'est cool. C'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, faut pas le dire normalement. Il part. Bah, tu peux couper, on se dit au revoir. Bon, alors je crois qu'on va écouter Turnstile. Ça fait longtemps quand même. Je sais pas si on peut dire que ça fait longtemps. Mais... Non, après. Non, mais on va se trouver un petit morceau de Turnstile, on va chercher. Ouais, voilà. Voilà, il va falloir combler parce que là on est comme des cons, tu vois, il reste 3 minutes à discuter. Le dernier album de Turnstile est quand même assez cool. Ça, non, mais j'ai mis mon meilleur élément sur le coup, ça s'appelle Turnstile. Ouais, ouais, ouais, mais voilà. Vous en avez déjà entendu parler. Je sais pas, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Bon, mais je suis un eurosceptique, moi, tu sais, docteur. Oui. Rien à voir avec la choucroute. Ben, bien sûr. Mais non, je l'ai écouté une ou deux fois, mais ça passe crème. Quoi, ah ouais. Tu vois. Voilà, et on va s'écouter. La 4. Ah, c'est la 4, d'accord. C'est peut-être. Ouais, si, vas-y, ça sera un concept. Je sais pas, c'est un pif. Eh ben, ça sera cool. Et on va sûrement se quitter là-dessus. On s'écoute Turnstile Underwater Boy. Bonne soirée! Me. Yeah.